Laissez-moi dans mon Dell en buvette, je drive. Je me crois dans le drive, la larme à l'œil, je me saoule. Mais comme dirait Tupac, baby, don't cry. Marseille dans les checks, c'est devenu Far Cry. Faut faire descendre ceux qui crèment, c'est comme ça pour graille. Truc de fou, manque-toi avec un hélico, t'es en taille. Te clignot, t'es en paille, allez, vas-y, remballe. J'rappe pour les frères en tol. Claquette arena, pack ta shit et alcool. Mon pote me dit, faut niquer la spip. Un autre me dit, c'est la guerre pour un stick. Depuis tout petit, on fait la serre à l'instit. On veut du lac, gauche jusqu'à la TN, j'dip. Pour tous les gens, change l'atmosphère étrange. J'ai grandi avec lui, maintenant il est bizarre, stip. Demande à Boris, ne fais pas le héros. Tu par les flics, fais-toi la boule à zéro. Tu fais le Zorro, tu bizarre photo. Comme un mec tout en noir sur un Varadero. Viens voir l'apéro, mets les compteurs à zéro. Je pardonne, mais n'oublie pas, tu trahis pour des euros. C'est pas un jeu gros, avec de l'or on fait des heureux. Avec du shit, poto, on additionne les zéros. Je vois une touriste, je lui dis wesh, hello. Ça te dirait de finir à Télo. RTV à Taylor. Trop de fils de pute dans les alentours. J'arrive à armer, même si ta bande court. Demande à Asdin sur le pont pour les putes. Même en stun sans cagoule, ça les vise, vise. Cassé, je vis à l'ancienne. J'trop perdu mon temps avec les folles qu'elle reste en chienne. J'enchaîne pour les frères en zone, en train de fixer le mur. Fixer le mur. Aujourd'hui j'suis pas bien, j'ai le cerveau en miettes. J'vais me mettre rap, t'as plongé dans les oubliettes. 9h du mat, ça toc qui est. Civil à la porte, tu pétais qui me laisse. Tout le monde a une arme planquée chez le voisin. Plus de sécurité, ça tombe dans la machin. Rafale en croix, cerveau HH. Hachiche ou chicha, vas-y fais chiger. Gentil ou méchant, de toute façon on est tous figés. Représenter les frères, j'suis obligé. Charbon, gérant, carteur au guichet. J'me la joue cool, j'me prends pas la tête. J'te sens au quartier, j'suis cette claquette. Ça fait des passages malades, roule pas de joint frérot. Tu vois pas que la voiture est remplie de plaquettes. 12 ans que tu rap, j'veux ma tête sur une jacket. Tu poses au studio pendant que ça guette. Un ramoteur qui ronronne, civil en ronde. Ça court avec la sacoche, te planquer dans la cachette. Ma mère c'est ma vie, j'suis mal sans elle. 23 ans, j'l'écoute encore quand elle m'engueule. Ça t'a trahi, tu rigoles moins. Tu vas voir ce que c'est d'avancer en vélo sans elle. J'ai vu la galère, je l'ai connue. J'branche des miss, elle me donne encore des faux nus. Si sur le violet, tu me reconnais. Une envie de te violer quand je te vois le dos nu. J'compte sur YouTube, c'est ça qui me donne envie de faire des gros tubes. J'veux faire des thunes, comme Calif, ma vie ne sonne pas juste, même avec autotune. C'est le son qui tue là, tu voulais la bombe, tu l'as. Tu critiques dans les coms, si je te vois petit, j't'encule. Tu l'as niqué sur le, elles font les vierges pas matriculées. Filé ou mets les dedans et après tu les. J'suis trop dans ma bulle, j'suis un mec tranquille. C'est pour ceux qui roulent des pètes, même si dans la malle y'a 30 kills. T'inquiète, j'arrête le rap, si demain je sens que j'coule. J'vais pas faire comme tous ces gens qui donneraient leur boule. Ça coupe plus shit. C'est Joel qui arrive dans le game, j'suis venu pour tout niquer. J'ai traîné avec des gens, j'en ai jamais profité. J'ai fait que les coups de pute, les salopes qui aiment les friquer. Sache qu'avant tout, j'suis pauvre, y'a que mon cœur à piquer. J'veux Shakira comme piqué, vas-y rends-moi mon briquet. C'est Joel qui arrive dans le game, j'suis venu pour tout niquer. J'ai traîné avec des gens, j'en ai jamais profité. Salope qui aime les friquer. Sache qu'avant tout j'suis pauvre, y'a que mon cœur à piquer. J'veux Shakira comme piqué. Vas-y rends-moi mon briquet. Vas-y rends-moi mon briquet. Vas-y rends-moi.